dans le couloir. Eh bien, if your message is important, this person will... Contact me again. Bien sûr. 31, 32, 33... Ah, voici votre chambre. 34. 34, oui. Et voici la clé. La clé? The key. La clé. Très bien. Et une clé? Key. Une clé. A key. Monsieur, c'est très très bien. Well, thank you. Merci, Hélène, for all your help. De rien. You're welcome. It is my pleasure. Well, thanks. C'est aussi my my travail, my job. It is also my job. Et maintenant, je vous dis à demain, 8 heures. A what? À demain, until tomorrow, 8 heures, 8 o'clock. 8 o'clock? In the morning? Mais oui! We will go to the fair about 10 o'clock, vers 10 heures. Okay. Well, good night, Hélène. Bonne nuit, Monsieur Wickham.